quand précisément? Dès le mois d'avril, vous êtes arrivé quand? En 94? Non, pas du tout, c'était au mois de mai. Mois de 94, mai. Puisque en avril 94, comme beaucoup de mes collègues, j'étais en Afrique du Sud pour célébrer la bonne nouvelle qui était l'élection de Nelson Mandela. Bien sûr. Qu'avez-vous vu? Alors, je vais pas vous demander de répondre entièrement à la question parce que je pense qu'il y aurait pour 20 minutes autour de cette seule question. Mais qu'est-ce qui vous, quelle est l'image, le moment qui est resté gravé dans votre mémoire? Parce que vivre ça, ça, je pense que ça secoue énormément, hein, que c'est une position, c'est sûr, une situation assez incroyable. Qu'est-ce qui vous reste du fort? En fait, je pense qu'on tous les journalistes français qui on n'était pas très très nombreux, hein, déjà il faut ce le qui dire. Un vrai problème aussi. Mais ceux qui étaient présents sur place, et je me souviens toujours des paroles de Patrick de Saint-Exupéry qui a été aussi, et c'est vrai que c'était peut-être l'une des choses les plus surprenantes par rapport à des situations de guerre, c'était l'incroyable silence qu'il y avait par moments. Et on se trouvait dans des paysages qui sont absolument splendides. Le Rwanda est un réel paradis avec des lacs, des montagnes, des fleurs, des champs fleuris. C'est un pays vraiment très très joli. Et on se trouvait dans ce paysage totalement paradisiaque, confronté à un espèce d'étrange silence, jusqu'à ce que nos sens, c'est-à-dire d'abord cette espèce d'odeur incroyable en plein air, qui était l'odeur de la mort, nous suffoque, et assez vite, hélas, aussi des scènes avec des enclos d'église où on voyait une... Je sais pas, c'est indescriptible, une marée de cadavres sur le parvis, sur le sol, et il fallait marcher dessus, hein, pour avancer. Et marcher sur des corps, c'est aussi une expérience qu'on n'est pas prêt d'oublier. Après, il y avait aussi, bien sûr, très vite, les images d'enfants aussi, qui sont effectivement toujours, je pense, dans tout conflit, ce qu'il y a de plus poignant, de plus heurtant, parce qu'évidemment, c'est le symbole suprême de l'innocence, d'enfants avec des coups de machette dans le crâne. Et puis, il y avait, moi, j'étais arrivée du côté de la rébellion, quand je suis arrivée au Rwanda, avec une ONG, Médecins du Monde. Et on écoutait Radio Mille Collines, qui était la radio extrémiste. Qui a joué un rôle très important. Et c'était très effrayant à écouter. Parce que l'appel au crime tout le temps. Oui, appel au crime, et puis en même temps avec un côté, faut savoir, dans l'introduction, vous parliez de conflits moyenâgeux. En réalité, le génocide au Rwanda est un drame extrêmement moderne. Radio Mille Collines, pour rappeler à vos auditeurs, c'était donc cette radio créée quelques mois avant le début du génocide, pour véhiculer la parole de la haine que les autorités souhaitaient propager. Et c'était une radio hyper moderne. Il y avait des tubes, c'était une radio très agréable à écouter, avec de la bonne musique, des animateurs cool, qui parlaient de fumer des joints, qui passaient de la bonne radio. Mais c'était ce mélange, et qui en même temps avait aussi des égouts et des qui cafards. Qui avait un discours extrêmement extrémiste, raciste, et c'est cette espèce de mélange de coolitude et de choses absolument atroces, abominables et extrêmement racistes et heurtantes, qui fascinaient aussi les gens. Et même les gens qui étaient opposés, moi, les Rwandais m'ont toujours dit, même quand on était Tutsi, même quand on était menacés, on était fascinés par Radio Mille Collines. On l'écoutait, c'était comme une espèce de radio du diable. Parce que, effectivement, il y avait les meilleurs animateurs, la meilleure musique. Ouais, enfin, là, vous êtes intellectualisé quand même. Parce qu'effectivement, tout ce que vous dites est parfaitement recevable, mais derrière ça, il y a une réalité de sang. Quand je parlais de conflits moyenâgeux, je parlais de cruauté, de la vie, du non-respect de la vie, enfin, la vie qui vaut rien, on l'enlève, c'est comme ça. C'est ça que je voulais dire. Ouais, alors c'est marrant parce que je pense que paradoxalement, aujourd'hui, 20 ans après, c'est peut-être des choses qu'on, par rapport à des réalités très très contemporaine qu'on peut plus comprendre sur la fascination de la mort, de la violence et du sang, qu'il a souvent été très difficile à expliquer pendant 20 ans. Le génocide au Rwanda a été planifié, il a été rendu possible par une propagande de la haine et de la peur qui a inculqué aux gens que une certaine version de l'histoire, selon lesquelles les Tutsis étaient finalement une aristocratie perverse, prête à tuer la majorité des Hutus, que c'était des gens extrêmement retors, qu'il fallait se méfier d'eux, que leurs femmes étaient des prostituées, que voilà, il y a eu toute une image véhiculée par des intellectuels, des historiens. Alors j'intellectualise, mais c'est un processus très intellectuel et qui a fonctionné aussi grâce aux médias d'État et notamment à la radio, parce que à l'époque la plupart des gens dans les campagnes n'écoutaient que la radio, donc on véhiculait des messages de haine et de peur, les deux en parallèle, pour dire en permanence méfiez-vous, ils veulent nous attaquer, ils ont cette rébellion qui est venue du Nord, leur plan c'est de nous exterminer, et donc la logique, s'ils doivent nous exterminer, mais tuons-les d'abord. Méfiez-vous de votre voisin a l'air sympa comme ça. Et cette propagande, elle a quand même matraqué les gens pendant trois ans, sans arrêt. C'est ça qui a rendu possible, finalement, ce génocide dans un pays où, en réalité, les ethnies n'existaient pas. Rassurez-vous, tout de même, Maria Malagardis, j'accorde plus d'importance à ceux qui ont vécu les choses qu'à la représentation mentale qu'on peut en avoir quand on ne les a pas vécues. Que ce soit bien clair. Alors, vous êtes retourné plusieurs fois au Rwanda, et la question qui nous brûle les lèvres, évidemment, c'est de savoir comment vivent les Rwandais aujourd'hui avec le souvenir de tout cela, puisque c'était quelquefois entre voisins. Comment ça se gère, si j'ose dire? Ça se gère pas, c'est très dur. Ouais. Je pense que, alors bon, le temps passe, les générations qui naissent et grandissent aujourd'hui au Rwanda vivront ça différemment. Tous ceux qui ont été impliqués dans cette histoire il y a 20 ans, même s'ils n'avaient que 5 ans à l'époque, resteront traumatisés. C'est compliqué parce que les Rwandais sont des gens extrêmement introvertis. Donc ça complique encore les choses parce que on ne dit pas facilement les souffrances, on ne dit pas facilement la méfiance de, comme vous disiez, c'est un peu comme si on avait obligé les Juifs sortis d'Auschwitz à rester à Berlin ou à Dresde. Peut-être parfois à côtoyer ou rencontrer dans la rue leur bourreau. Ouais. Donc c'est très compliqué, c'est un petit pays de la taille de la Bretagne. Donc il y a une espèce de promiscuité très forte, il y a des gens qui ont été arrêtés, d'autres qui ont été innocentés alors qu'ils étaient coupables, donc qui ont fait purger leur peine et sont ressortis. Et il y a aussi des victimes qui restent hantées par des images absolument atroces, parce que ça s'est fait dans des conditions effectivement très très horribles, quoi. Alors on va écouter ensemble maintenant le témoignage d'un rescapé du génocide, d'un Tutsi qui vit aujourd'hui à Bruxelles. Il s'appelle Benjamin Rutabana, il appartenait au FPR de Paul Kagame, il a participé à l'avancée de ses troupes vers Kigali à la fin du printemps 94. Aujourd'hui cet homme qui est un chanteur populaire rwandais est un opposant à Kagame dont nous allons parler ensemble, c'est intéressant. Cet entretien au micro de notre reporter Gaylor Van Wimersch date de novembre 2014. Je m'excuse, pas de problème. Ça, c'est le quartier africain de Bruxelles. Ouais. C'est l'un des quartiers africains. Parce qu'il y a Matong, qui est quand même purement zaïrois, si on peut dire. Oui, je suis Tutsi. Je suis Tutsi d'Obisesero. Obisesero, c'est la campagne, ce sont les éleveurs. C'est une région qui a pu combattre, qui a pu résister pendant le génocide. Bien sûr, à la fin, ils ont été exterminés, mais ils ont pu résister. Vous êtes arrivé quand en Europe ? Il y a 10 ans, en 2004. Comme actuellement, je suis considéré comme indésirable au Rwanda, la première chose que j'évite, ce sont les cafés rwandais. La communauté rwandaise est très divisée parce que tous ces gens... que je fuis sont les gens qui se trouvent contraints de servir le régime. C'est comme ça, c'est ça la dictature. Mwamari mukanga umwagurimi kwa Rwanda temba maraso. Toutes les étapes qui précèdent le génocide, on les a vécues depuis mon enfance. La

Non, il reste beaucoup à faire et beaucoup ne sera pas fait parce que, je veux dire, le temps fait son effet, les témoins, les victimes meurent. C'était déjà très compliqué d'instruire les procès qui ont été instruits aussi bien devant le tribunal international pour le Rwanda que le seul procès fait en France malgré la présence de tant et de tant de suspects parmi nous. Mais le problème, c'est que ça ne repose que sur des témoignages. Il y a très peu d'ordre écrit. On n'est pas dans une logique bureaucratique, administrative à la nazie, comme il s'est passé sous l'Allemagne nazie. Ouais. Donc plus le temps passe et plus on peut être pessimiste. Parlez-moi de Paul Kagame. Qui est ce Paul Kagame qui a une mauvaise image, mais il semble que c'est dingue, ça soit plus compliqué que ça. Ouais, en tout cas, c'est moins simple que l'image qu'on peut en avoir. Il fascine beaucoup. Ouais. Il suscite beaucoup plus de passion qu'un Idriss Déby au Tchad ou qu'un Robert Mugabe au Zimbabwe. Ce qui est quand même assez surprenant, et on devrait, comme tout ce qui concerne d'ailleurs le Rwanda, se demander quel est le sens des passions que ce petit pays, apparemment sans aucun intérêt géopolitique, suscite en nous à tous les degrés. Mais ça, c'est un autre sujet. Non, vous pensez pas simplement que c'est ce qui s'est passé en 94 qui suscite toujours cet intérêt fort pour le Rwanda? Je trouve que le Rwanda, comme Paul Kagame, est un des sujets les plus clivants, aussi bien dans la société française que dans la communauté internationale, mais paradoxalement, énormément en France, où on peut difficilement aborder le sujet de ce qui s'est passé en 94 ou parler de Paul Kagame de manière sereine et apaisée. Paul Kagame est le président actuel du Rwanda. Il est aussi, il ne faudra jamais l'oublier, l'homme qui a libéré son pays des génocidaires en l'absence de la communauté internationale, puisqu'il était à la tête de la rébellion qui seul a arrêté le génocide. Il est l'homme, pour dire les côtés positifs, qui a permis à son pays en 20 ans d'atteindre des scores de développement économique et social sans précédent en Afrique. Peut-être même plus loin, mais j'aurais du mal à faire la comparaison. Maintenant, est-ce que c'est un démocrate? Est-ce qu'il a annoncé son intention de se représenter en 2017? Est-ce qu'à un moment, il ne va pas falloir qu'il parte? Très certainement, c'est une personnalité complexe, très clivante. Mmh. Et ce monsieur a certainement raison d'être opposé à lui. De toute façon, c'est bien. Il faut être opposé. C'est pas un saint. Il y a des côtés certainement plus complexes, plus obscurs. Mais tant de passion me semble très suspecte. Alors, dernière chose, il nous reste une minute. Que se passe-t-il au Burundi? Pourquoi, dit-on, qu'il y a des menaces de génocide de pays voisins, Burundi, hein, du Rwanda? Alors, la région tout entière est évidemment hantée par le drame qui s'est passé au Rwanda, ou même aujourd'hui en France, on n'a pas la c'est difficile de se mesurer, mais c'est l'équivalent quand même d'une Shoah en plein XXe siècle. C'est vrai. Donc la référence, elle est facile. Maintenant, le Burundi a la même composition ethnique que le Rwanda, a connu une guerre civile, et parce que finalement, l'ethnie au Rwanda comme au Burundi, ce sont que des prétextes. Il a surtout la même structure de pouvoir, à savoir qu'on se trouve au Burundi avec un homme qui s'entête à se maintenir au pouvoir, comme ce fut le cas au Rwanda, où un clan voulait s'assurer à la veille du génocide son maintien coûte que coûte au pouvoir, et que pour réaliser ce dessein, malgré une opposition multiethnique générale et populaire, la seule façon de le réaliser, c'est d'essayer de créer une union sacrée sur base ethnique et finalement de détourner l'attention sur des victimes qui soient des victimes ethniques. Merci infiniment, Maria Malagardis. Je rappelle le titre de votre livre, Sur la piste des tueurs rwandais, chez Flammarion, la collection Enquête. Merci. Merci aussi. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le génocide au Rwanda, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons l'affaire du Kursk.